Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes. La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires. Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive. Les espèces de parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne. Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. La traverse, transition en terre inconnue, épisode 8. Pucet, la mobilisation dans un dortoir francilien. La voix que vous entendez est celle de Maxime Verdun, et c'est moi qui suis aux manettes de cet épisode sur un territoire traversé, écouté et observé aux côtés de Solène Cordonnier. Pucet est une commune d'un peu plus de 2000 habitants dans le sud de l'Essonne. Le nom vous dit peut-être quelque chose car c'est la première commune d'Île-de-France à avoir accueilli des éoliennes. Comme beaucoup d'autres communes situées dans les couronnes périphériques de la région, Pucet regroupe les caractéristiques de la cité dortoir. L'attractivité économique de la métropole parisienne étire les distances et freine sérieusement le développement de dynamiques locales. Comment dynamiser le village? Comment mobiliser les habitants et développer le lien social? Quel projet politique porter dans une commune quasiment désertée pendant la journée? Alors, je m'appelle Christophe Dumont, j'habite à Pucet depuis quand même un petit bout de temps maintenant, je suis presque un vétéran, ça fait 28 ans je crois que je suis là. Ancien parisien, donc on pouvait m'appeler néo-rural il y a encore quelques années, maintenant je pense que ça fait un bout suffisamment longtemps pour que je me sente vraiment d'ici. Je suis arrivé ici aussi pour des raisons économiques, à savoir j'avais besoin d'un endroit pour travailler, je suis sculpteur. Et donc j'avais plus cet endroit à Paris, et plus on s'éloigne de Paris, moins les prix sont chers. Bon voilà, pour la petite histoire. J'ai vu le village se mourir, parce que je suis arrivé, il y avait encore... alors trois coiffeurs, ça peut faire sourire, mais bon, les gens ont besoin de se coiffer, semble-t-il. Mais il y avait une grainerie, en face à Boulangerie, il y avait une grainerie où tous les gens du village, parce qu'il y a encore plein de potagers, allaient chercher leurs plants de salade, leurs plants de tomates à la belle saison, etc. Enfin, ça fonctionnait. Il y avait tout un tas de commerces, trois cafés quand je suis arrivé. Et il s'est passé à Pucet 2000 habitants, ce qui se passe dans toutes les villes, même de moyenne importance, qui crèvent parce qu'il y a un super centre commercial qui s'ouvre et que c'est tellement pratique. Et je le conçois effectivement pour les gens qui arrivent à 8h du soir, d'aller au centre commercial, se garer sur le parking géant et de faire toutes leurs courses en une heure. Voilà. Je m'appelle Cyriane Fialon, j'ai 28 ans. Et on est arrivé à Pucet en famille parce qu'on a eu un troisième enfant qui n'était pas prévu. Donc on ne voulait pas que les enfants grandissent dans une très grosse ville. Et mes beaux-parents habitent à 15 minutes d'ici. Donc on s'est dit que le mieux, c'était pour ne pas être tout seul, de suivre la belle famille. Et on est arrivé ici totalement par hasard. Mais ça a plu à la grande qui avait 6 ans. Et on s'est dit que c'était le bon endroit pour commencer, quoi. Je viens de Vitry-sur-Seine, qui est une très grosse ville. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habitants au centimètre carré. Là, c'est même plus du mètre. Moi, je connaissais la campagne. Mes grands-parents sont originaires de Bretagne. Et donc, je connais la Bretagne profonde, où il n'y a rien. Et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce qu'on peut aller se promener. On essaye d'apprendre à nos enfants que les légumes, ça pousse, qu'il y a des saisons, que la viande, c'est des animaux qu'on tue, même si c'est violent, c'est le cas. Les œufs, ça aurait pu être des poussins. Et du coup, la campagne, c'est bien parce que voilà, moi, je suis en face du maraîcher et je leur dis, voilà, tu vois, Sylvie, elle est partie chercher ses légumes, elle fait son thé, il y a les poules, on peut aller chercher les œufs. Et je pense que c'est important dans leur vie, ça. Du coup, à Vitry, je prenais jamais la voiture. Je prenais le bus, le métro, le RER, je me déplaçais que comme ça. Et d'ailleurs, je voyais même pas l'utilité au début d'avoir mon permis. Et en fait, ici, je veux aller chercher rien qu'un clou. Je suis obligée d'aller en Gerville, même si c'est pas loin, ça fait quand même 10 km, le temps que la voiture elle chauffe et consomme plus. Je vais aller chercher un meuble, Leroy Merlin, c'est loin, enfin, tout est loin. Du coup, c'est vrai que je pense pas que ce soit plus écolo. Avant, je prenais le 183, je montais dedans, j'avais 8 stations à faire, j'étais chez Leroy Merlin, je repartais avec mon meuble et j'avais un bus toutes les 3-4 minutes. Et du coup, non, je vivais qu'en transport en commun. Ici, je ne vis qu'en voiture. Mon mari, qui lui adorait pouvoir prendre la voiture et faire juste peut-être 7 minutes de voiture et pouvoir aller acheter un jeu vidéo, des choses comme ça, lui, il a beaucoup plus de mal que moi. Lui, il est infographiste, web designer. Lui, il part, il fait donc voiture jusqu'à la gare. Il part d'Étampes où il fait ensuite métro, non, RER, métro. S'il n'y a pas de grève, il met juste 2 heures. Enfin, s'il n'y a pas de problème non plus. Et quand il y a des problèmes, il peut en mettre 3. Donc, il fait plus de 4 heures de transport par jour pour aller travailler. Du coup, lui, pour compenser, il se lève à 5 heures du matin. Il part d'ici à 6 pour pouvoir pointer à 8. On a une de nos voisines qui, elle, travaille de nuit. Donc, quand elle part, ça va. Mais par contre, quand elle revient, elle n'a pas de bus. Voilà. Sauf qu'elle n'a pas de voiture. Donc, du coup, elle est obligée d'appeler une de ses amies qui vient la récupérer, qui l'a redéposée ici, qui elle, du coup, rentre chez elle. Enfin, pareil, c'est encore énormément d'aller-retour. Non, c'est compliqué. Ouais, je trouve qu'ici, ouais, le déplacement est compliqué. De gros problèmes de transport. Pascal Gremez, conseiller municipal. Les transports ne sont pas adaptés du tout à la, au mode de fonctionnement qui évolue beaucoup. Il y a quelques dizaines d'années, les gens travaillaient dans le coin. Maintenant, ils travaillent beaucoup en région parisienne, Paris ou sa région. Donc les gens prennent le train, soit il y a deux trains le matin qui partent de la gare de Monnerville, mais qui est à 3 km. Et puis, direct, après, ils sont directs Étampes-Paris. Sinon, c'est le RER. Donc, les gens vont à Étampes, prennent le RER et vont travailler. Les bus, c'est pas très pratique d'Étampes à Pucey. Donc, ça crée. On est isolé et on voit de plus en plus de gens arriver sur notre commune. Parce que les loyers sont pas chers ou les constructions ne sont pas très chères. Et donc les gens s'écartent de la région parisienne pour pouvoir accéder à la propriété ou avoir un lieu de vie un peu plus rural. Mais c'est en contrepartie des transports, une voiture obligatoire. C'est ça, l'équation est difficile à trouver, quoi. Grégory Courtas, maire de Pucey, depuis mars 2008. Pucey est une commune rurale, hein, au sens propre du terme, puisqu'on est en plein milieu du plateau de la Beauce, avec deux vallées, hein, qui nous jouxtent, la vallée de la Juine et la vallée de la Chalouette. Et donc, on est dans le grenier de la France, puisqu'on est quand même sur des grandes terres céréalières. Voilà. Donc, oui, on est en mode rural, avec maintenant 2 300 habitants. Voilà. Nous, comme on est, on va dire, pratiquement dans la sixième zone, là, on est un peu une zone, un no man's land, hein, dans le sens où on se considère ni en région parisienne, ni en province. On est les deux à la fois et en même temps, on n'a aucun des deux. Puisque, comme on va dire la métropole du Grand Paris a recentré ça sur Paris-Centre et première couronne, voire deuxième couronne, c'est eux qui vont gagner un peu. Nous, on est les villages pauvres de l'Île-de-France, hein. On n'a pas de transport, on n'a pas d'emploi. Par contre, on contribue financièrement, hein, dans notre taxe foncière, la taxe d'habitation, je ne sais plus, une des deux, on a participation au Grand Paris. Hein. On donne de l'argent pour ça. On n'en verra jamais la couleur. On est passé en 10 ans de 1 700 à 2 300 habitants. Majoritairement, c'est des gens qui viennent de la troisième couronne, où ils peuvent plus acheter. C'est des primo-accédants qui viennent, hors soit de, on va dire, troisième couronne Seine-et-Marne. Ça peut monter jusqu'à la Seine-Saint-Denis, hein. Mais souvent, c'est plutôt des gens qui sont nord et Saône, quoi. C'est-à-dire que ceux de première couronne, après, ils sont passés en troisième. Et maintenant, ceux de la troisième, ils viennent dans la sixième, quoi. Mais oui, ça se déplace. Mais les gens qui n'ont pas du tout conscience de venir justement, de venir vivre en mode rural, quoi. C'est-à-dire qu'il faut chacun sa voiture, mettre de l'essence. Il n'y a pas le RERC. Le RERC, il faut le chercher à Étampes, hein. Donc c'est à 20 km. Et aujourd'hui, les gens, pour accéder à la propriété, ils sont obligés de faire 40 km de leur lieu de travail. Donc on va le retrouver dans la taxe carbone que les gens vont utiliser au quotidien. Ils vont exploser leur taxe carbone, hein, c'est clair. Donc tout ça, ça contribue aussi au réchauffement climatique. Tout ça, c'est sans fin, hein, malheureusement. On a travaillé sur le télétravail, c'est-à-dire que si les gens pouvaient... En tout cas, ceux qui ne sont pas sur des métiers qui pouvaient donc participer au télétravail, déjà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on est en plein la mise en place de la fibre optique, hein, dans tout le département de l'Essonne. Donc là, c'est pour déjà favoriser le télétravail. Deuxièmement, la question des transports en commun. Aujourd'hui, les gens, on est dans une société individuelle. Les gens, ils aiment bien avoir leur voiture, leur déplacement. Moi, je pense qu'il faut plus réfléchir à du covoiturage. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont supprimé des lignes de bus ici parce qu'il y avait 3 personnes dedans. C'était pas rentable. La menace, par exemple, c'est sur tout ce qui est magasin. Il y a pratiquement plus de magasins à pucer. On se bat avec la mairie, avec monsieur le maire, pour essayer de conserver un minimum. Mais donc on a réussi à implanter une maison de santé, déjà. Et puis on s'est battu pour avoir un boucher. Moi, quand je suis arrivé en 82, il y avait deux boucheries, une charcuterie, il y avait tout ce qu'on pouvait trouver. Il y avait un petit supermarché bien achalandé. Tout ça, maintenant, il n'y a plus grand-chose. Et on s'est battu pour retrouver un boucher. On a perdu un boulanger, donc il n'y a plus qu'un seul boulanger à pucer. Enfin, bref, et ça, je pense que c'est dû au grossissement des communes autour et l'implantation de supermarchés et des gens qui travaillent loin, donc ils consomment moins sur place, quoi, hein, et on s'arrête plutôt à Étampes, on fait les courses à Étampes et puis on vient ici à pucer pour dormir, quoi. Hein. Et plus ça va venir, plus ça sera comme ça, quoi. La concentration des activités dans la métropole parisienne, qui transforme la commune de Pucé en cité dortoir, pose des problèmes interconnectés. L'étirement des distances, la dégradation du lien social ou encore la disparition des commerces de proximité sont quelques exemples. Mais pour l'équipe municipale et les acteurs impliqués dans la commune, ça n'est pas une fatalité. La vision politique de la commune, on l'a eue justement en 2008 quand on s'est présenté avec un projet à 15 ans. Le projet politique, c'était, au sens noble du terme, c'était de pouvoir justement permettre aux habitants de vivre à Pucé, de lutter contre la cité dortoir. Donc pour ça, relancer les commerces de proximité, créer du lien social au travers du maraîchage bio, travailler... contre la désertification médicale. Donc on a créé une maison de santé, accueillir des personnes nouvelles au travers des logements sociaux, des personnes avec des troubles psychiques grâce à une maison relais, et puis créer les premières éoliennes d'Île-de-France pour montrer, promouvoir l'éolien en Île-de-France, et puis aller aussi vers la culture, la permaculture, avec la mise en place d'un maraîchage bio là, depuis maintenant 8 ans. Moi, je m'appelle Sylvie Guillot, je suis à Pucé depuis 2011. Donc, j'ai rejoint l'équipe municipale en 2014 et je m'occupe plus particulièrement des questions de développement durable. Et par ailleurs, je fais pousser des légumes et des plantes aromatiques et médicinales en bio sur la commune. On avait un projet d'installation avec Florent, voilà, où lui, il avait aussi envie de changer de vie. Et on va dire que notre vie n'avait pas... Enfin, c'est pas que ça n'avait plus pas de sens, mais on voulait donner un autre sens en fait à notre activité, un sens aussi plus local. Où là, on avait l'impression en fait de monter des trucs et puis d'être tout le temps aussi en déplacement, de pas nous impliquer là où on était aussi. On habitait à Étampes à l'époque et du coup, on cherchait des terres. Et en fait, on a répondu à une offre de la commune. Donc, on connaissait pas Pucet. J'avais jamais mis les pieds à Pucet avant de répondre à l'offre. Ouais. Pendant 10 ans, je connaissais les gens de Pucet parce que j'emmenais mes filles à l'école. Les filles ayant grandi et étant parties, j'allais plus à l'école et je me suis rendu compte que je connaissais plus personne à part le Toubib et le pharmacien. Et cette AMAP, quand elle s'est créée, j'ai fini par recréer du lien social moi-même, rencontrer des gens. Des vrais gens, et des gens qui étaient dans la même dynamique que moi. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement parce qu'on était d'accord sur un principe de vie même. Le fait de se rencontrer, le fait de se voir tous les vendredis pour la distribution, le fait de connaître les gens qui nous proposaient des légumes, mais pas seulement, parce qu'il faut savoir que la MAP fonctionne avec tout un tas de producteurs. C'est-à-dire qu'on a, du cresson local, on a de la volaille, des œufs, de la farine, tout bio, évidemment, et local. Et on connaît, je peux vous dire, les prénoms des gens qui élèvent les poules et qui font de la farine. Donc ça change pas mal la donne. Et... il y a vraiment tout. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait tout un tas de gens habitant ici, depuis peu ou pas, néo-ruraux ou pas, qui étaient dans cette même optique. C'est-à-dire qu'il y a un besoin énorme de ça, de ce lien, de cette façon de fonctionner, de cette façon de consommer et de cette façon de faire de la politique. On est en plein dedans. Par cette pratique-là, vertueuse, je trouve. On répond à tous les questionnements politiques que tout le monde se pose. Et depuis 5 ans, entre Nuit debout, les Gilets jaunes, les marches pour le climat, etc., entre nous, on parle énormément de ça. On sait qu'on est encore une minorité, je pense, parce que je ne peux pas dire que les 3/4 du village viennent à la MAP, par exemple. Mais on sait qu'on est dans l'action comme ça, rien qu'en allant chercher nos légumes le vendredi. J'ai l'impression qu'on est dans l'action et qu'on répond aux questions qu'on se pose en regardant les actualités et en devenant fou, en disant mais qu'est-ce qu'ils font là-haut quoi. Et on est assez nombreux à se dire, ils font rien, faisons-le nous-mêmes. Voilà, moi, je suis vraiment dans cette optique-là. Et de participer à cette aventure d'AMAP, c'est faire aussi. C'est faire quelque chose qui va dans un bon sens, je trouve. Pour nous, l'installation, en fait, le projet, c'était pas de planter des légumes. Enfin, sinon, voilà, on plante des légumes, on va les vendre à Rungis et puis super. C'était vraiment de créer aussi quelque chose de local. Et du coup, de vendre en AMAP, pour nous, c'est aussi hyper fondateur et structurant pour notre ferme. Parce que du coup, on sait les gens à qui on vend des légumes. Et puis en même temps, on ne fait pas que leur vendre des légumes, on partage aussi beaucoup d'autres choses. Et donc la MAP, ça nous apporte une sécurité parce que les gens, ils s'engagent à acheter notre production. Et puis voilà. Mais c'est surtout que du coup, ça crée un lien. Enfin, les gens, on les connaît, ils font partie de notre vie. On espère que la ferme, elle fait aussi partie de leur vie. Et que voilà, on n'est pas les uns à côté des autres et qu'on crée un truc qui fait sens. Voilà. Et pour nous, la MAP, en tout cas, c'était le biais pour faire sens à notre projet, quoi. Faire sens et faire lien. C'est l'heure de la rubrique Idées transversantes. Zoom sur une initiative inventive qui fait débat et qui mérite qu'on s'y penche histoire de sortir des clichés. 7 minutes de présentation, 3 minutes de discussion. Aujourd'hui, on laisse la parole à Lucie de l'association À nous la cantine. À nous la cantine est une association composée de parents d'élèves, de professionnels de santé, d'enseignants et d'agriculteurs locaux. Leur objectif est de faire que les cantines se remettent à cuisiner sur place avec des produits locaux, si possible bio, et de créer des partenariats pédagogiques entre les fermes et les écoles du territoire. Du coup, à nous, la cantine, à la base, c'est parti du fait que ici sur la commune, ils allaient construire un pôle scolaire. Parce que du coup, ils voulaient rassembler l'école primaire avec l'école maternelle. Et du coup, ils ont mis... Donc, il y avait ce projet-là qu'on savait qu'allait se faire. Et on s'est dit, mais s'ils font un pôle scolaire, il faudrait vraiment... Parce que le sujet de l'alimentation, en discutant avec des amis, quoi... Ça, c'est un sujet qui est fondamental pour nous. Et du coup, on s'est dit, il faut absolument qu'ils fassent une cuisine là. Ils construisent quelque chose. Il faut qu'ils construisent une cuisine, quoi. Et du coup, on s'est rassemblés avec quelques amis. Et puis après, on s'est un peu renseignés sur ce qui se passait. Enfin, vraiment, pas un peu. On s'est beaucoup renseignés sur qu'est-ce qui se passait pour la cantine de nos enfants. Et du coup, on a vu que c'était un prestataire qui faisait 40 000 repas jour. Un truc qu'on a pu visiter parce que du coup, on est aussi représentant des parents d'élèves. Enfin, il y en a certains du groupe qui est représentant des parents d'élèves. Et du coup, en fait, c'est un groupe. C'est pas du tout... C'est horrible. On appelle ça des cuisines, mais c'est plutôt une usine. Nous, on appelle ça plutôt des usines. Parce qu'en fait, ils ont des gros entrepôts où ils stockent énormément d'épiceries sèches et énormément de surgelés. Et du coup, leur cuisine, en fait, ça consiste à assembler des produits qui, après, mettent en barquette et font refroidir. Et tout est réglementaire au niveau sanitaire. Ça, c'est bien ce qui nous mettent en avant quand on fait la visite de leur usine. Mais nous, c'est pas ce qu'on aimerait pour nos enfants. Du coup, on s'est motivés avec d'autres pour se dire... On a questionné les gens sur le territoire. On a fait un sondage sur est-ce qu'ils veulent un peu plus de local, les parents. Et du coup, on a eu, au début, je sais plus combien de signatures... Bref, on a eu pas mal de signatures parce que du coup, notre collectif, il n'est pas seulement sur Pucet, parce que du coup, on fait partie d'un syndicat, le syndicat des Quatre Rivières et des Portes de la Beauce. Et ce syndicat-là, du coup, c'est lui qui commande les repas. Et du coup, ça sert sur plusieurs communes. Donc, ce qui permet d'être rassemblé, de aussi négocier les prix. La commune essaie de négocier les prix pour faire une part de bio. Du coup... Voilà, il y a quand même une part de bio avec le prestataire actuel. Mais c'est quand même pas ce qu'on veut. Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit cuisiné sur place, que ça soit cuisiné sur place avec des produits qui viennent d'à côté, des producteurs locaux. Et qu'il y a un vrai lien aussi, ce qu'on revendique en dehors du fait que ça soit bien cuisiné avec des bons produits, on voudrait aussi, et ce qu'il y a une partie sur laquelle on milite, c'est le fait de communiquer aussi, d'échanger entre les enseignants, les enfants, le personnel de cuisine et les enfants, et d'avoir mettre en place des outils pédagogiques pour travailler sur... parce que du coup, le projet, il est forcément global, si on imagine quelque chose comme ça, parce que du coup, il faut de la réduction des coûts. Donc, il faut travailler sur les menus, il faut travailler sur le gâchis alimentaire. Et, du coup, c'est toutes ces questions-là qu'on... Sur la viande un peu ? Sur la viande, bien sûr. Sur les menus, si on veut passer avec plus de viande. D'ailleurs, on passe bientôt un questionnaire, là, sur la réduction du nombre de repas carnés dans la semaine, quoi. Parce que là, actuellement, c'est... Ah bah ouais. Actuellement, c'est... Quand ils parlent de repas sans viande, ils parlent de repas sans viande à l'année. Si il y a une cantine qui se fait, forcément, il y aura des... Enfin, ça fait une débouchée pour un paysan qui veut se convertir en bio, par exemple. Et du coup, c'est une solution d'approvisionnement. Il y a des liens qui vont forcément se faire en termes d'agricole, quoi. Parce que du coup, sur le territoire, on s'est renseigné aussi pas mal sur qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Et il y a des secteurs où c'est un peu compliqué. Ici, la viande, on a du poulet, ça c'est bon. Mais le bœuf, ça commence à s'éloigner en termes de kilomètres pour en trouver. Du cochon aussi. Il y a la viande et les produits laitiers aussi. Ça va, on arrive quand même à en trouver. Mais ici, vous avez vu, c'est la Beauce quand même. Du coup, il y a très peu d'animaux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est et ce qui en découle, quoi. Mais du coup, on aimerait bien aussi que ça soit même au sein de la MAP aussi. Ils essaient de réfléchir à comment adapter un projet d'AMAP sur de la restauration collective. Comment on pourrait essayer d'investir les habitants dans la restauration collective? On a vu des exemples où il y avait des mamies qui venaient éplucher des légumes pour aider à la cantine de façon bénévole. Et du coup, tout ce côté bénévolat qu'on trouve dans la MAP, comment on pourrait le reporter? Je suis sûre qu'il y a des solutions. Et ça, on réfléchit aussi beaucoup dans le collectif à adapter aussi ce système-là. Et puis du coup, ça fait venir aussi d'autres personnes. Et ça, c'est une bonne dynamique aussi qui pourrait se développer avec la cantine. On se questionnait justement sur qu'est-ce qui se passe pendant les vacances scolaires. Parce que du coup, s'il y a un personnel en termes de fonctionnement, même en investissement par rapport pour rentabiliser l'investissement de la cuisine, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 2 mois de vacances? Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances scolaires pour que la cuisine fonctionne encore, quoi. Après, on se disait, mais faudrait qu'ils fassent de la transformation de produits, surtout pendant l'été. Du coup, avoir peut-être des horaires réduits pour après les augmenter après, mais faire des conserves de tomates pour avoir des bons produits, quoi, plein de trucs à conserver, parce que là, c'est la pleine saison pour du maraîchage. De retour en studio avec Solène et une question ouverte pour lancer la discussion. Quel est l'intérêt d'une telle démarche? On peut voir plusieurs intérêts à passer une cantine en entièrement bio et locale. Notamment dans un premier temps la réduction de son empreinte carbone, ça passe au travers de la réduction du transport des aliments qui parfois viennent de très loin et qui sont produits en quantité industrielle. Ça passe aussi par la réduction de la viande, si toutefois c'est inscrit dans le programme comme c'est le cas ici. Ça permet également de réduire les déchets puisque il n'y a pas de transport, donc il y a moins besoin d'emballage, il y a moins besoin de conditionnement des aliments pour leur conservation. Tout est fait sur place et de façon immédiate. Et en plus, ça permet vraiment d'engager une transition alimentaire et agricole sur tout le territoire, puisque cette cantine, elle va offrir un nombre de débouchés assez conséquent pour les producteurs locaux. Et ça va aussi les inciter à passer en bio, à raccourcir leur circuit de distribution. Et puis, dans un dernier temps, ça va permettre de développer du lien social, du lien, un ancrage territorial, notamment si on pense comme c'est fait ici en termes d'AMAP, de comment faire investir l'esprit de bénévolat dans ce projet, comment inclure des personnes âgées, par exemple, pour la préparation des repas. Et enfin, c'est un vrai outil pédagogique pour expliquer aux enfants la provenance de leur alimentation, l'importance de l'alimentation sur le territoire et donc de les reconnecter à leur territoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de coût du repas lié au fait que ce soit bio et local et aussi d'investissement de la part de la commune qui peut trouver ça plus facile quand même de laisser faire des industriels? Alors oui, c'est vrai qu'a priori, il y a un coût à cette transformation. Un coût notamment en termes d'investissement, puisque les collectivités ont bien souvent délégué à des organismes de restauration la transformation des aliments. Donc il y a un certain investissement de base à faire dans des équipements, comme c'est le cas à Pucé, pour retrouver des cuisines où il est possible de faire de la vraie cuisine. Mais en fait, sur le long terme, on peut se dire aussi qu'on réduit beaucoup les intermédiaires. C'est l'un des principes aussi de ces cantines, de ces restaurations locales. Et de ce fait, on a un coût qui est plus lié à la main-d'œuvre, mais qui est réduit par les intermédiaires. Et on peut aussi ajuster par le facteur viande, puisque en réduisant la viande, on peut fortement réduire les coûts de production. Et après, il y a ce problème des compétences qu'il faut se réapproprier, que les mairies doivent se réapproprier pour et former leurs agents si elles ne font pas appel à une société qui est capable de produire cette alimentation locale. Il y a aussi une limite en termes de marché public, puisque aujourd'hui, c'est impossible de mettre des critères géographiques qui favorisent des producteurs locaux, mais on se rend assez rapidement compte quand on s'intéresse à ça qu'il y a des possibilités pour faire en sorte que de fait ce soit quand même des producteurs locaux qui soient favorisés, par exemple en jouant sur les délais de livraison, sur le fait de rendre encore moins important le critère prix, d'ajouter des critères environnementaux en imposant par exemple une réduction des intermédiaires et en favorisant les circuits directs qui ne sont pas forcément locaux mais qui sont plus potentiellement locaux quand même, et aussi évidemment en prévenant en amont les producteurs locaux pour qu'ils soient prêts à répondre à ces marchés publics. Donc c'est une limite qui est réelle, mais qui peut être évitée par ces astuces. Et au-delà de ça, un point essentiel pour que ça fonctionne, c'est une mobilisation importante des habitants et des acteurs de la commune, et une sensibilisation préalable, ce que fait Lucie et ce que fait l'association À nous la cantine. C'est des structures comme ça qui font que ça peut marcher plus facilement. C'est la fin de la rubrique Idées transversantes. Retour à Pucé dans le bureau du maire. Bon, c'est un tout, hein. C'est vrai que nous, on a une sensibilité écologiste, c'est-à-dire au sens noble du terme. C'est-à-dire que l'écologie, normalement, ne devrait pas être politisée. Mais bon, on se rend bien compte que si elle ne l'est pas, il n'y a rien qui bouge, puisque c'est les politiques qui tentent de faire bouger les lignes. Et que pour nous... le fait d'avoir créé une commission développement durable, commission de la transition écologique, là, portée par Sylvie, qui est notre maraîchère aussi et qui a un niveau d'ingénieur en agronomie. On s'est lancé justement sur le fait que ce qui était intéressant, c'était aussi de réaliser un inventaire de la biodiversité communale. Et puis, il y a eu un appel à projet, on a répondu. On était un des seuls villages de France à être retenu. Donc on a eu 75 000 euros de subvention. Donc ça allait. C'était aussi dans la continuité de ce qu'on faisait. Hein. Donc pour nous c'est un plus quoi, de mobiliser les enfants, les citoyens sur ces questions-là. C'est toujours l'idée de leur faire prendre conscience et d'aller vers le changement des mentalités. Donc et ça c'est 10 ans pour faire passer une idée. Alors faut se dépêcher hein, parce que il ne reste plus beaucoup de temps. On vit à crédit sur la terre. Association La Petite Tortue, créée en 2005 par les deux personnes qui sont présentes ici, Johanna Robert et moi-même, Grégory Robert. On a voulu, tout modestement, apporter notre petite pierre à l'édifice avec notre propre vision et de servir, en fin de compte, de l'association comme un support d'éveil au sens, à la curiosité et à la nature en général. Cette association-là, on se donne, nous, comme mission, de sensibiliser le plus grand monde. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec le milieu scolaire, donc les écoles, principalement primaire, maternelle et élémentaire. Et petit à petit, on s'est tourné vers les centres de loisirs. Alors, ils changent de plein de noms, on pousse des centres de loisirs, des accueils de loisirs, et des centres sociaux, et petit à petit, à être assimilé également le grand public. Petit à petit, on s'est quand même pris au jeu en se disant qu'on avait beau avoir un statut associatif, au-delà du fait qu'on a des salariés, donc on ne peut pas se permettre de rigoler parce qu'il y a quand même une valeur économique derrière tout ça. Et donc de professionnaliser ce petit bébé-là en essayant petit à petit de s'inscrire dans différents dispositifs, comme par exemple, là je vous l'évoquais avec le conseil départemental, mais aussi sur ce qu'on appelle la politique de la ville. Maintenant, c'est la politique du territoire. Et c'est fait que petit à petit, l'association maintenant a un volume d'action presque un peu plus conséquent au niveau des quartiers, par exemple, prioritaires de la ville d'Étampes, qui se trouve nous à un quart d'heure d'ici, qu'au niveau scolaire. Donc nous, ce qui nous plaît par rapport à ces QPV, c'est comme ça qu'ils les appellent, les quartiers politiques de la ville, c'est que surtout, on va avoir des arguments pour convaincre beaucoup de partenaires pour nous accompagner. Si je dis ça, nous, quand on travaille avec des écoles, on est rémunéré soit directement par l'école, des fois en partie sur la commune sur laquelle on se trouve, mais ça s'arrête là. Alors que si on travaille dans des projets politiques de la ville, on va intéresser des bailleurs, le conseil départemental, et donc parce que là, c'est marrant, c'est que ça va leur parler, alors qu'on dit qu'on va faire la même chose sur une école qui va être juste à côté. Mais ils vont pas donner pour cette école-là. Le souci de l'écologie, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui sont convaincus comme vous. La grande difficulté, c'est de s'adresser à des gens que l'on ne voit jamais. En effet, ce noyau, constitué à Pucey autour de la question de l'agriculture et de l'alimentation, implique une petite poignée de personnes. Pour élargir ce cercle et approfondir la dynamique, une autre thématique a été investie, celle de la biodiversité. Moi, c'est Loïc. Je suis arrivé ici le 13 mai pour commencer un service civique du coup, avec la mairie de Pucey concernant la mise en place de l'ABC, qui est l'Atlas de la biodiversité communale. Alors moi, c'est Alexis. Du coup, tout pareil que mon binôme. On est là pour promouvoir, sensibiliser autour du thème de la biodiversité et sur les enjeux environnementaux. Ce sera donc effectuer un inventaire faunistique, floristique et entomologique, donc les animaux, les arbres, les fleurs, les plantes, les insectes, etc. Donc le projet ABC, c'est un projet... Donc on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui était proposé par l'Agence française de la biodiversité. On a été retenu parmi je ne sais pas combien de projets. Et l'idée, c'est de faire un inventaire de la biodiversité communale. Donc de regarder tout ce qui existe sur la commune pour après justement le prendre en compte dans les décisions politiques locales, d'urbanisme notamment, et avoir quelque chose sur lequel s'appuyer en fait, dire voilà, on a ça sur la commune et c'est pour ça qu'on fait ces choix-là après. Parce qu'en fait, sinon sur la biodiversité, c'est assez compliqué de dire attention, là-bas, il y a peut-être des oiseaux, ce serait quand même dommage de couper la forêt, mais en fait, on n'a pas de données de concrètes. Et voilà, donc on a répondu à ce projet-là, sachant qu'on souhaitait aussi que ça ne soit pas que un inventaire et puis une liste à la Prévert et puis voilà. On souhaitait impliquer aussi les Pucéiens là-dedans et qu'ils fassent partie du projet. Donc il y a toute une partie de ce projet qui est sur la mobilisation citoyenne avec beaucoup de communication sur ces thématiques-là, des ateliers, notamment auprès des scolaires. Donc là, on a fait un ciné-débat sur les arbres, hein, sur le sol. On va en faire un là qui est plus autour des oiseaux, mais pour les enfants. Et l'idée, voilà, c'est que ça ne reste pas un projet entre un bureau d'études qui nous pond un truc et puis la mairie qui met ça dans un carton et puis on dit qu'on a fait notre atlas de la biodiversité. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it grades on hell. Afternoon repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad. It's a helping hand that makes you feel good as your life. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. So Blur, Country House. Moi, je suis Sophie Dumont. J'ai monté avec un groupe de base de 6-8 personnes une association qui va bientôt fêter ses 1 an, qui s'appelle Agitons le local, et qui a comme première devise les initiatives locales et éco-citoyennes. Donc, on est né avec l'envie de déjà créer du lien entre tous ces gens qui restent souvent dans leur maison ou qui sont partis en extérieur pour travailler, qui reviennent le soir, qui fait qu'il est difficile d'avoir une vie sociale intense ici. Dès que les gens veulent même rencontrer quelqu'un ou sortir, eh ben, on va ne serait-ce qu'à Étampes ou Dourdan ou plus loin. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tout le changement dans nos vies créé par le changement climatique, toutes les questions que tout le monde se pose, même ceux qui étaient le plus loin de vision un peu écologiste. Donc, on avait envie que chacun puisse s'entraider, mettre ensemble ces questions et ces réponses. Et puis voilà, donc on avait lancé plein d'idées, comme des repas participatifs avec cuisine en commun, comme des ciné-débats, apéro. Bon. On a eu un super coup de booster, donc on a vraiment eu une grande chance. Il y a eu un dépôt de demande de subvention auprès de l'Agence française pour la biodiversité pour réaliser l'atlas de la biodiversité communale donc sur Pucet. Cette subvention nous permet de travailler sur 2 ans. Donc c'était intéressant de mettre en synergie nos forces en disant voilà, on a 2 ans pour faire de la motivation citoyenne. Donc, on va essayer de faire un planning pour vraiment avoir une multitude d'offres pour la population locale et au-delà. Ça, c'est aussi intéressant de pouvoir aller au-delà. Amélie Altamor, directrice de l'accueil de loisirs de Pucet. Ce soir, on avait une réunion pour parler du carnaval qu'on aimerait remettre sur Pucet, autour de la biodiversité, avec les parents d'élèves et les familles qui sont demandeuses à y participer. Pour moi, les gens ils sont repartis, ils sont pressés que l'événement se passe. Et je pense que c'est un renouveau en fait, pour Pucet. Et là, on était déjà un peu plus que la première réunion. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on montre aux familles le peu qu'on était ce soir, que c'est quelque chose qu'on va remettre sur Pucet et que les enfants ils vont adorer et qu'on sera de plus en plus après à y participer. Le dernier carnaval, il a été fait en 2000. C'était un très, très, très gros projet. Après, peut-être qu'on n'arrivera pas à faire un aussi gros projet, mais petit à petit, on y arrivera. Et puis en espérant que ça dure et que ça dure pour la ville de Pucet. Maïté Villard, je suis artiste plasticienne. L'objectif, ce serait de pérenniser les liens qui vont se créer autour de ce projet et d'être amené ensuite de travailler aussi bien les associations engagées avec donc les projets municipaux et avec d'autres structures même sur l'agglomération et le département. Voilà, fédérer toutes ces personnes pour justement défendre des valeurs communes autour de l'environnement et des enfants aussi, et de l'éducation, on va dire, positive. On a un tissu associatif quand même qui est assez dynamique. Ce qui est toujours un peu compliqué, c'est d'amener les différentes municipalités et structures à travailler les uns avec les autres. Mais sinon, on sait qu'on a des groupes isolés qui sont déjà très, très motivés autour de ce thème de la biodiversité. Donc, le grand défi pour Amélie et pour nous au centre de loisirs, c'est de justement amener toutes ces personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui n'ont jamais travaillé ensemble, eh bien, de réaliser ce projet et donc on espère être vecteur de lien social et pour le bien-être des enfants et c'est vrai que ce thème qui nous permet de connaître notre environnement nous semble essentiel aujourd'hui. C'est une question sociétale qui est très importante. Après, à nous de trouver d'autres moyens d'action une fois que l'Atlas de la biodiversité va s'arrêter fin 2020. Qu'est-ce qu'on relance comme moyen d'action ? Une autre très belle aventure qui nous tente beaucoup et qui va se mettre peut-être en place bientôt sur la commune de Pucey, c'est un éco-quartier. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose de différent qui ferait vivre notre commune soit avec des nouveaux petits lotissements comme on voit un peu partout, avec ces maisons individuelles, chacun pour soi, chacun chez soi. On ne pense absolument pas à la vie en commun. Bon, ça, ce n'est pas ce qui nous plaît beaucoup. Puis en plus, ça grignote les terres agricoles, enfin bon, l'extension de l'architecture, la sortie des communes vers toujours le milieu terre agricole, c'est toujours embêtant. Donc on avait envie de penser à la création d'un quartier sur des terres que la commune a eu l'intelligence de préempter en se disant que ça serait dommage que justement ça parte auprès d'un promoteur qui va faire ce qu'il veut. Donc la commune a le terrain, n'a pas les moyens financiers pour réellement construire, mais on a justement peut-être les moyens humains pour cogiter sur un joli projet et trouver un partenariat et avec la région et avec un promoteur qui met les sous pour vraiment construire ce lieu-là, qui ensuite, lui... sera vendu ou loué à différentes personnes. Donc ça nous permet d'avoir des volontés claires comme un lieu pour les personnes âgées, pour faire de la mixité aussi intergénérationnelle, avoir des logements sociaux en petite surface pour que ce soit vraiment pas cher pour ceux qui sont... En tout premier achat ou première location. Et puis aussi, on a envie de faire naître sur ce lieu-là des maisons-ateliers. Donc maisons-ateliers d'artistes pour qu'il y ait des gens qui travaillent sur place dans le domaine artistique parce que ça, c'est un domaine qui nous est proche et on connaît beaucoup de gens qui cherchent et à se loger et à avoir un atelier. Donc ça serait intéressant. Ou alors avoir des ateliers de transformation autour de l'agriculture, donc des gens qui pourraient venir faire des confitures, une jeune brasserie, des gens qui font du changement, de la transformation de laine, parce qu'on a des amis qui font de la chèvre angora pour faire de la laine mohair. Voilà. Là, on fait venir... des personnes qui prennent des lieux et qui ont une activité économique sur le lieu. Ça, c'est excessivement important pour que ces campagnes et ces territoires restent vivants. Dans cette commune qui regroupe les caractéristiques de la cité d'Ortois, la volonté politique de l'équipe municipale, la mobilisation d'un petit noyau de personnes engagées autour des questions agricoles et alimentaires, ainsi que le coup d'accélérateur d'une subvention publique pour la création d'un atlas de la biodiversité, sont autant d'éléments qui laissent présager d'intéressantes évolutions. Le cercle des personnes investies dans le chantier de la transition s'agrandit progressivement et les projets se multiplient. Celui de l'écoquartier, présenté ici comme un lieu réellement investi par ses habitants autour d'activités locales compatibles avec les enjeux écologiques, semble en mesure d'incarner un projet phare autour duquel pourront continuer de se mobiliser élus et citoyens. Voilà, on espère que ce 8e épisode vous a plu. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et c'est extrêmement motivant. Dans le prochain épisode, nous serons dans la commune de Coaraze, dans l'arrière-pays niçois, pour parler de la place du tourisme dans la transition. D'ici là, portez-vous bien.